Quand mes yeux se ferment doucement et que je m'accroche à la brise éphémère qui souffle à travers, j'oublie mon poids et je lâche prise. Je deviens l'ombre de mille feuilles se déformant sur les rochers doux. Et je sais que si je reste fixé sur les reflets de son mer, le vent s'agenouillera et me laissera passer à travers l'écume fragile. Et si nous attendions encore, le soleil s'endort, le sable couché, mon amant, on la sabra au vert. Tout est déjà lié, il nous suffit de saisir. Et si nos rêves étaient des messages, et si ces rêves étaient des murmures, des secrets,